Behinderte Männer, behinderte behinderte Kinder, von euch muss ich kotzen, ihr seid so arm. Und Chef mit Millionen, Ratan. Rapper im Kampf, Rosette im Krampf, Diva hoch 10, auf die Knie bist du gehen. 10 mm Blei in den Kopf, und ich sage dir, komm, lutsch meine Galaschen mit Kopf. Black Flag, Flower Granats, Black Tech, Jesus Christ, Battle Fight, Street War, Michael Paul, Rock the Support, Black Flag, Flower Granats, Black Jack, Jesus Christ, Battle Fight, Street War, Michael Paul. Oui, c'est toi, oui. Ah, un petit chanson pour toi. Petit, oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Alors j'attends toi. Réponse, S-I-N-I-K, question pardon. Tu vis le thé, ma mère a frappé. Tu es très dangereux, l'un des autres très fatigué. Et mon père les a attaqués. 1 million d'euros, je le veux. Tu en as pas besoin, raté. Les Indes, Espagnols, Allemands, les Anglais, gens de gros pharaons. Ils en ont besoin comme toi. Je le pense encore une fois. Rock the support, Black Flag, Flower Granats, Black Jack, Jesus Christ, Battle Fight, Street War, Michael Paul, Rock the Support, Black Flag, Flower Granats, Black Jack, Jesus Christ, Battle Fight, Street War, Michael Paul, Rock the Support, Black Flag, Flower Granats, Black Jack, Jesus Christ, Battle